إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 7 dans كشف الشبهات شرح كشف الشبهات. Donc on va commencer inchallah. Le cheikh il dit, ça c'est le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il dit dans le texte de كشف الشبهات والعامي من الموحدين يغلب الالف من العلماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقدها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Donc on va expliquer cette citation. Qu'est-ce que le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab explique? Il dit que le musulman ordinaire, ok, parmi les muwahidin, c'est-à-dire celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas commis de shirk d'aucune forme, eh ben, il est capable d'écraser n'importe lequel parmi les ulama des mushrikin, même s'ils sont 1000. Il est capable de les écraser. Hein, alors qu'il n'est pas un savant, un musulman muwahid ordinaire, hein, il est capable de les écraser, même si ce sont des 1000 ulama parmi les mushrikin. Comme Allah ta'ala, wa inna jundana lahum al-ghalibun. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 173 dans sourate As-Saffat, notre armée, c'est elle qui aura le dessus, qui a le dessus. Hein. Donc, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont le dessus. Et ils ont le dessus comment? Ils ont le dessus par la preuve, bil-hujja wal-lisan. Hein, avec la preuve et avec la langue quand il déclare et quand il montre la vérité, quand il parle. Et le cheikh il dit qu'annahum ghalibun bis-sayf was-sinan, et également ils sont ceux qui ont le dessus sur les ennemis avec l'épée également et avec la force lorsqu'ils combattent les ennemis sur le terrain. Après le cheikh il dit que la crainte, toutefois la crainte est uniquement sur celui qui est muwahhid mais qui monte dans, qui part sur le chemin sans avoir ses armes avec lui. C'est-à-dire, il n'a pas l'arme du Coran et de la Sunna. Il n'est pas bien armé avec les preuves du Coran et de la Sunna. Il n'a pas bâti sa connaissance assez solidement. Donc, pour lui, il y a une crainte. Hein. Et le Cheikh, il dit que, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait la faveur de nous avoir envoyé son livre. Et dans ce livre-là, dans le Coran, il a mis une clarification pour toutes choses. Tibyanan, les kulli shay. Et une guidance, une rahma, une miséricorde, et une bonne nouvelle pour les musulmans, pour les gens qui ont soumis leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, n'importe quelle personne qui vient avec quelque chose de ba'atil, que ce soit les gens du mensonge ou de la fausseté, qu'ils arrivent avec une soi-disant argument pour essayer de débattre avec toi, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le Coran la preuve ou l'argument qui va le réfuter et qui va l'écraser complètement et qui va démontrer sa fausseté, hein. Donc ça veut dire, peu importe qu'est-ce que le mouchrik va amener comme preuve, argument pour essayer de établir qu'est-ce qu'il fait comme shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené l'argument pour l'écraser et l'a réfuté dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 33 dans sourate Al-Furqan, et ils vont pas venir avec une exemple, excepté que tu vas trouver, excepté qu'on va t'amener, c'est-à-dire à toi, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on va t'amener la vérité et une meilleure explication de cette mathal, yani de cet exemple ou de cet argument qu'ils vont présenter. Wa alaykum salam, le verset 33. Il y a certains parmi les mufassirines, les savants de tafsir, ils ont expliqué que ce verset-là est général, hein, pour toutes les preuves et tous les arguments que les gens de mensonge vont amener jusqu'au jugement dernier. Donc c'est pas seulement les mouchriquines, c'est tout le monde. Il y a toutes les gens qui défendent le mensonge. Que ce soit les mouchriquines, que ce soit les kuffars, al-malahida, que ce soit les mubtadi'ah, que ce soit n'importe qui, les chrétiens, les juifs, hein, les athées, n'importe qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans son livre la réfutation de toutes ces faussetés-là et de ces mensonges-là. Donc, le cheikh Zayd, maintenant, il explique les paroles de ça. Il dit, وَلَمَّا كَانَ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِينَ حَقَّقُوا تَوْحِيدَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ مِيزَةً رَفِيعَةً أَشَادَ بِهِمْ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فقال والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين أي رجل عامي واحد يجالس العلماء ويتفقه على أيديهم ليس من المتبحرين في العلم ولكنه جالس العلماء وسمع القرآن وسأل عن معانيه وبحث عن السنة وعرف الواجب من أحكام إسلامه وتوحيده ولو وقف أمامه ألف مشرك وألف مبتدع مضلل فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه فيقول كلمة الحق ويقف معها ويرد على أهل الباطل فإن لم يعرف الرد على باطلهم بالتفصيل كالعلماء وإلا فسيقول لهم إن الذي تقولونه غريب عن نصوص الكتاب والسنة التي جاء بها نبي الإسلام والذي تعتقدونه بعيد عن الصراط المستقيم لا أفقهه ولا أعرفه ولكن الحق هو ما قاله علماء السنة الذين فهموا الكتاب وفهموا السنة على الوجه الصحيح ونشروا علمهما في الخليقة وابتغاء وجه الله والدار الآخرة. Donc maintenant le cheikh il explique que étant donné qu'il y a une particularité élevée, yani pour les gens qui sont sur le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné quelque chose, hein, qui les élève et qui leur donne cette force, yani, lorsqu'ils ont établi réellement la vraie signification du tawhid, hein, l'auteur a écrit dans le livre Kashf al-Shubuhat que le musulman ordinaire, parmi les muwahhidin, ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'écraser 1000 parmi les ulama des mouchriquins. Et donc le cheikh il explique que même si un musulman ordinaire, hein, il s'est assis avec les ulama et a étudié avec eux, même s'il n'est pas profondément yani ancré dans la science et qu'il n'a yani mais pas, toutefois yani il n'est pas si approfondi dans la science, toutefois il a étudié quelque chose avec les ulama, il a entendu le Coran, il a demandé les ulama au sujet des significations du Coran, il a fait des recherches au sujet de la Sunna, et il a connu qu'est-ce qui est obligatoire pour lui des règles de l'islam et de son tawhid, hein. Donc même s'il y a 1000 mouchriks ou 1000 mubtadi' égareurs qui veulent l'égarer, qui essaient de se tenir devant lui, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le succès et il va parler il va dire la parole de vérité devant ces mouchriquins là et ces kuffars, ok, et il va réfuter qu'est-ce que les gens de Batil vont amener comme fausseté, même si même s'il n'est pas capable de réfuter toutes leurs paroles en détail, mais il va quand même réfuter de façon générale, hein, parce que les réfutations détaillées, ça c'est pour les ulama, ça c'est pour les ulama. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Toutefois, les réfutations générales, ça il est capable de le faire, et donc il va dire, par exemple, à ces gens-là, les paroles que vous dites sont étranges, elles sont étranges par rapport au texte du Coran et de la Sunna que le prophète de l'Islam a apporté. Et ce que vous croyez, ce que vous avez comme aqida, est très éloigné de la Sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, est très éloigné du droit chemin. Je ne comprends pas ce que vous dites, hein, je ne comprends pas ce que vous dites, et je ne le connais pas non plus, ok. Mais ce que les ulama de la Sunna ont dit et ce qu'ils ont compris du livre, hein, eh ben c'est ça qui est la vérité. Hein, et ceux qui ont compris le livre, le Coran, et ceux qui ont compris la Sunna d'une façon correcte et qui ont transmis et propagé leur connaissance parmi toute la création pour rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà, eh ben ceux-là c'est ceux qui ont expliqué, qui ont dit la vérité. Donc ce que vous dites, vous, en s'adressant aux gens de Bid'a et aux kuffars, aux mouchriquins, ce que vous dites, c'est contraire à ce que Allah a révélé. Hein? Donc le cheikh il dit, « إذن فالمشركون والمبتدعون مغلوبون ومهزومون أمام الحق الذي جاء في الكتاب العزيز وأمام السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى صراطا مستقيما وطريق هدى يهتدي بها من صدق في طلب الهدى وصدق في طلب الصراط المستقيم وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. Donc le cheikh il dit, donc les mouchrikoun, les gens qui font le shirk et les mubtadi'a, hein, ils sont écrasés et ils sont ils sont vaincus devant la vérité qui vient par dans le livre et dans la sunna que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme un droit chemin pour nous qu'on doit suivre et une voie vers la guidance. Et celui qui est sincère et qui recherche réellement la guidance, eh ben, lorsqu'il recherche lorsqu'il dit par exemple, il dit dans la prière, ihdina sirat al-mustaqim, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers le droit chemin. S'il est sincère. يهتدي بها من صدق في طلب الهدى وصدق في طلب الصراط المستقيم وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. Donc ensuite le cheikh dit, وانا اذكر لك اشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. Donc la signification de cette partie du texte du livre de Kashf al-Shubuhat, ça veut dire que il dit, je vais vous mentionner quelques-unes parmi les réponses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données pour pouvoir répondre aux mouchriquins de notre époque aujourd'hui. Alors donc, on peut répondre aux gens du mensonge et de la fausseté de deux façons. On peut leur répondre d'une façon qui est générale et on peut les répondre d'une manière qui est détaillée. D'accord? Donc, le cheikh, il va expliquer maintenant les deux façons comment on peut répondre aux mouchriquins. Ok? Donc, la première méthode, là, le cheikh, il explique maintenant cette citation-là, c'est, il dit, wa hada yadullu ala, donc le cheikh, il dit, هذا يدل على غزارة علمه رحمه الله أي جواب أهل الباطل من المشركين وأتباع المشركين والمتشبهين بالمشركين وكل من ومن من كل مضلل عن طريق الحق من طريقين مجمل ومفصل. Donc le cheikh il dit que ça montre la connaissance très approfondie de, du Cheikh Mohamed Abdul Wahhab au sujet des, du Cheikh et des Mouchriquines et de leurs Shubuhat, parce qu'il dit que la réponse pour répondre aux Mouchriquines et à ceux qui suivent les Mouchriquines et à ceux qui essaient d'imiter les Mouchriquines à toutes les époques, hein, et bien c'est de la façon suivante, soit d'une façon générale ou d'une façon spécifique. Maintenant, il commence à expliquer la façon générale. Il dit « أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Donc la façon générale, c'est une grande chose en fait, c'est un bien énorme pour celui qui est capable de le comprendre et d'y réfléchir comme il faut. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al Imran, le verset 7, hein, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dans ce livre, il y a parmi ces versets, des versets qui sont muhkamat. C'est-à-dire, c'est des versets qui n'ont qu'un seul sens possible, qui sont clairs dans leur signification. Et ceux-là sont la base, sont à la base de, du livre. Okay? Wa ukharu mutashabihat. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire, ils peuvent être interprétés de différentes façons. Ils n'ont pas un sens qui est unique. Donc, le Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans le verset en disant, en ce qui concerne ceux qui ont une maladie de déviation dans le cœur, eh bien, eux, ils recherchent à suivre uniquement ces versets qui ne sont pas clairs, dans le but de chercher à faire la fitna et dans le but de chercher à essayer de l'interpréter. Hein, et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa vraie signification. D'accord ? Ensuite, le Cheikh il dit « وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ فَاحْذَرُوهُمْ » Donc, le Cheikh il dit donc il a été également rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, lorsque vous voyez ceux qui suivent ce qui n'est pas clair du livre, hein, ou ce qui n'a pas été détaillé dans le livre, ou qui a plus qu'une seule signification, alors ceux-là sont les gens à propos de qui Allah a parlé dans ce verset-là, alors prenez garde à ces gens-là, prenez garde à ces gens-là. Donc maintenant le Cheikh Zayd Al-Madkhali, il explique ce verset, cette partie de la citation du Cheikh, et il dit en ce qui concerne, il dit فَأَمَّا الطَّرِيقَ الْمُجْمَلِ فَهُوَ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ يَعْنِي وَاضِحَاتَ الْمَعَانِي بِمُجَرَّدْ قِرَاءَتِهَا تَفْحَمُ مَعَانِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. Donc le Cheikh il dit que al muhkamat, et bien ça c'est la façon qui est générale de répondre aux mushrikin, c'est que tu leur dis qu'il y a des versets qui sont clairs, qui n'ont pas d'autre signification possible que celui qu'on comprend en lisant le Coran. D'accord ? En le lisant, tu comprends leur signification tout de suite. Et donc, ça c'est exactement ce qu'Allah dit dans ce verset-là. Et Allah il dit à la fin, qu'on a déjà traduit ce verset, il le mentionne encore une fois, puis il dit, il mentionne la fin du verset que le Cheikh l'a pas cité, qui dit que « Et nul ne connaît son explication excepté Allah, et ceux qui ont une connaissance approfondie et très bien ancrée dans, qui sont bien ancrés dans la science, eux ils disent que qu'il croit en tout, il croit en tout ça, que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur, et c'est uniquement ceux qui possèdent la raison qui se souviennent. Donc ensuite, le Cheikh il explique encore une fois maintenant, le Cheikh Mohamed Wahab, il dit dans le texte de Kashf al-Shubuhat, « مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل هذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم شيخ يلكسليك منا comment on peut réfuter les mouchriquines à partir de ce verset-là. C'est quoi cette méthode générale dont le cheikh il parle ici? Il dit que, par exemple, on va dire qu'il y a un mouchrique qui vient pour te parler et qu'il te dit un verset dans le Coran, comme par exemple le verset 62 dans Surat Yunus, certes, les alliés d'Allah ou les awliyas d'Allah, ils n'ont sur eux aucune crainte ni ne seront-ils attristés. Donc ils vont pas avoir de crainte et ils ne vont pas être attristés. Donc il te mentionne des versets comme ça, pour te 62, pour te montrer l'importance des alliés d'Allah, des gens qui sont pieux et qui craignent Allah, qui croient en Allah. Et il te dit que la shafa'a, c'est-à-dire l'intercession, c'est véridique, c'est haq. On doit croire en l'intercession, shafa'a. Et il te dit que les prophètes, ils ont un statut très élevé auprès d'Allah. Ils ont un jah, statut. Quand on dit statut, pas une statue, c'est-à-dire un niveau, un degré important. C'est ce qu'on veut dire par le mot jah. Quand on dit un statut, c'est pas la même chose qu'une statue. Un statut, c'est comme un niveau, un degré important. Après, il dit, et il mentionne, ce mushrik, il mentionne des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lesquelles il essaie de supporter ses mensonges et sa fausseté. Et donc, toi, tu comprends pas nécessairement qu'est-ce qu'il veut dire par cette parole. Okay? Donc, tu lui réponds en disant ceci. Tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre que les gens qui ont une déviation dans leur cœur, ils laissent tomber les versets du Coran qui sont clairs, et ils suivent ce qui est mutashabih, c'est-à-dire ce qui n'est pas clair. Et toi, ce que tu me mentionnes et ce que tu me dis, moi, ce que je t'ai mentionné, ce que je t'ai dit, au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les mouchriquins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils ont confirmé, ils ont cru à la souveraineté d'Allah, et en la rububiya d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les mouchriquins, ils ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé les êtres humains, c'est lui qui a yani, le contrôle sur tout dans l'univers, c'est lui qui yani, donne la subsistance à toute chose, qui fait vivre et qui fait mourir. Donc on t'a mentionné que c'est Allah seul qui fait ça, et que les mouchriquins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en ça et le confirmaient. D'accord? Donc, également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran que leur kufr, le kufr des mouchriquins, c'était également du fait qu'ils s'accrochaient aux anges, et ils s'accrochaient aux prophètes, et ils s'accrochaient aux hommes pieux et aux awliya, en disant que ceux-là sont des intercesseurs pour nous. Ha'oula, shufa'a'una indallah. Hein? Et donc, ça, le cheikh dit ça, c'est une chose qui est muhkam, qui est claire, qui ne peut pas être interprétée d'une autre façon. C'est impossible pour quelqu'un d'essayer d'interpréter ça autrement que dans ce sens-là, hein, parce que c'est clair dans le Coran. Hein, personne ne peut changer sa signification. Donc, toi, ô le mouchrik, toi, ô le mouchrik, tu as ramené des versets dans le Coran et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont je ne connais pas la signification. Hein, tu m'as ramené un verset, tu m'as ramené des paroles dans les hadiths, mais je ne connais pas la signification de ces paroles-là et ni de ce verset-là. Toutefois, je suis convaincu et certain que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole ne se contredit pas. Et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas contredire le Coran. Alors, c'est ça la façon des ulama, comment ils prennent le Coran. Quand il y a des mutashabihat, quand il y a des choses qui ne sont pas claires, eh bien, ils le prennent, ils le ramènent aux autres textes qui sont muhkamat. Et donc, après ça, ça devient plus clair la signification. Parce que le Coran, il ne se contredit pas lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut jamais contredire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce qu'ils n'ont pas médité sur le Coran? Et si c'était d'autres que d'Allah, ils auraient trouvé plein de contradictions dedans. Et donc ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de contradiction. Et donc ça prouve que si tu lis quelque chose qui te dit qu'est-ce que les mouchriquins faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient oui il y a un créateur, il y a un seul maître et tout, hein, et les mouchriquins ils prenaient des intercesseurs entre eux et Allah, parmi les anges, parmi les saints, parmi les autres, et ils disaient que c'était les choufaras, et ils ne croyaient pas que c'était les créateurs de l'univers, donc ça veut dire que c'est une preuve claire, tu ne peux pas l'interpréter autrement. Donc soit tu reconnais que tu contredis le Coran, soit que tu dis que Allah s'est contredit, et ça c'est kufr. Tu ne veux pas dire ça. Donc, il dit le cheikh que ça c'est une réponse très droite, très correcte, si tu expliques ça aux mouchriques, hein, mais c'est pas tout le monde qui sont capables de le comprendre, c'est seulement ceux à qui Allah a donné le succès, le tawfiq. Et il ne faut pas que tu dénigres cette, ou que tu sous-estimes cette méthode ou cette réponse, parce qu'elle est puissante. Et le cheikh il dit que, il mentionne le verset 35 dans Surat Fussilat, il dit c'est uniquement ceux qui sont patients, qui sont endurants, qui vont arriver à atteindre ça, et c'est uniquement ceux qui ont reçu une grande part de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Maintenant le cheikh Zayd il explique un peu plus en détail ce passage-là, et il dit وهكذا تجد من يعدل عن السنة إلى البدعة فإنه متشبث بآيات في القرآن فيها اشتباه ومعانيها غير واضحة لكل أحد لا يعرف معناها إلا الراسخون في العلم فحينما يأتي صاحب هوى ويقول قال الله كذا وقال كذا أو لماذا أمر بكذا وعليكم السلام ورحمة الله ولماذا لم يأمر بكذا ولماذا خلق إبليس ولماذا ولماذا هذه كلها شبه شيطانية يتلقاها الشياطين الإنس عن شياطين الجن أو عن مثلهم أما من طلب الهداية صادقا فإنه يؤمن إيمانا تاما أن كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه آيات تبطل معاني آيات أخرى إلا ما كان من قبل الناسخ والمنسوخ كما لا توجد آيات تكذب آيات ولكن الآيات منه تصدق الآيات وتشهد لها وتدل على عليها كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومعنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا في التصديق والجودة والكمال والدعوة إلى الحق بحذافيره والتحذير من الباطل بحذافيره فعلامة أهل السنة أنهم ما كان من المحكم عرفوا معانيه وعملوا به وما كان من المتشابه فلم يعلموا معناه بل أشكل عليهم معنى بعض الآيات في القرآن لم يفهموا معانيها يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه أنزله الله تبارك وتعالى من فوق وفوق كل ذي علم عليم فقوم يعلمون المحكم فقط ولا يعلمون المتشابه وآخرون يعلمون معاني المحكم ويعلمون معاني المتشابه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا دونك لشيخ الذي نعم Cheikh dit, c'est ainsi que toute personne qui se détourne de la sunna vers la bid'a, alors c'est une personne qui essaie de rentrer dans ce qui n'a pas compris, ou ce qui n'est pas clair des versets du Coran, et qui, de ce qui n'est pas clair de leur signification pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas pour tout le monde que ces versets-là sont clairs, et donc ces gens-là qui se détournent de la sunna vers la bid'a, c'est des gens qui cherchent exactement ce qui n'est pas clair. Et personne ne connaît la signification de ces versets-là qui sont pas clairs, excepté les gens qui sont fermement ancrés dans la science de l'islam et qui connaissent profondément la connaissance de l'islam. Donc lorsque quelqu'un qui vient, qui est sur une bid'a, arrive et il te dit « Allah a dit ça » avec un point d'interrogation, ou bien il a dit telle chose, en voulant dire, est-ce que Allah a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi il a ordonné ça? Ou bien, pourquoi il n'a pas ordonné ça? Ou bien, pourquoi il a créé Iblis? Ou bien, pourquoi et pourquoi? Il dit, toutes ces questions-là et toutes ces choses-là sont des shubuhat du shaitan. Que le shaitan, parmi les hommes, ont reçu de la part des diables parmi les djinns. Ou bien parmi les hommes entre eux, ils s'échangent entre eux ces shubuhat. Toutefois, celui qui recherche la guidance sincèrement du fond de son cœur, alors lui, il va croire complètement et d'une foi ferme en tout ce qui est dans le Coran, de la Fatiha jusqu'à la fin. Et il ne va pas trouver dans le Coran, parce que dans le Coran, il n'y a pas de versets qui se contredisent. Tu ne vas pas trouver un verset qui annule ou qui vient contredire la signification de d'autres versets. Et tu ne vas pas trouver des versets qui démentent les significations de d'autres versets, excepté si c'est quelque chose qui a rapport avec un nasikh wal mansour, c'est-à-dire des versets qui sont abrogés par d'autres versets. Ça, dans ce cas-là, oui, tu peux trouver des abrogations, mais tu ne vas pas trouver des versets qui se contredisent les uns les autres. Il dit que ça c'est prouvé par le verset dans Surat Az-Zumar, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le verset 23, dans Surat Az-Zumar, le Cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la meilleure parole, un livre dont les versets se ressemblent les uns les autres, et qui se supportent. Et lorsque les gens qui craignent leur Seigneur entendent ces versets, leur peau a des, تقشعر جلودهم. C'est comme s'ils ont la chair de poule. Hein, quand ils entendent les versets, ça leur donne des frissons. Et leur cœur s'apaise par la suite. Hein, et leur peau et leur cœur s'apaisent par la suite au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il explique ce verset-là en disant que mutashabihan, ça veut dire que c'est des versets qui se ressemblent les uns les autres, dans le sens qu'ils se ressemblent parce qu'ils se confirment les uns les autres dans la beauté, dans la perfection, hein, et dans le fait qu'ils appellent à la vérité, hein, ils se réunissent tous dans le fait qu'ils appellent tous à la vérité et qu'ils avertissent tous contre le mensonge. Donc le cheikh il dit qu'un des signes, parmi les signes de Ahl Sunnah, les gens qui sont sur la Sunna, c'est que c'est des gens, hein, que s'ils connaissent la signification d'un verset, lorsque le verset est clair, hein, ils agissent en accord avec sa signification, ils l'appliquent. Mais ceux qui ne connaissent pas, si c'est des versets qui ne sont pas clairs, ne connaissent pas leur signification, et que ça leur cause un problème dans la compréhension, dans la compréhension de certains parmi les versets, ah bon, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font, Ahl Sunnah? Ils disent « Amanna bihi kullum min indi Rabbina ». On a cru en ces versets-là, et tout ça, ça vient d'Allah. Hein, ça vient tout en entier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que ce soit des versets clairs ou des versets pas clairs, ils viennent tous d'Allah. Donc, on y croit en tout. Et on dit que tout ça, ça vient d'Allah. Et le cheikh il dit qu'au-dessus de toute personne qui a une connaissance, eh bien, il y a un autre qui connaît plus que lui. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de toutes les créatures. Dans sa connaissance et dans sa grandeur, etc. Donc, le cheikh ensuite il dit, فَقَوْمُ يَعْلَمُونَ الْمُحْكَمُ فَقَتْ. Il y a des gens qui connaissent seulement al-muhkam, qu'est-ce qui est clair dans les versets, et il y a d'autres gens qui connaissent le muhkam et le mutashabih. Donc il y a des gens qui connaissent uniquement les versets qui sont muhkam, et ils ne connaissent pas le mutashabih, des choses qui ne sont pas claires, ils ne les connaissent pas, mais il y a d'autres, et ça c'est les ulama, qui sont très ancrés dans la science de l'islam, eux ils connaissent le muhkam, et ils connaissent la signification également du mutashabih. Et ils disent, on croit en tout ça, ça vient de la part d'Allah spontané. Donc ça c'est la méthode, disons, général, ou bien, yani, comment ça veut dire, mujmal, c'est une façon plus globale pour essayer de répondre à cette shubha de la part des mushrikines qui appellent les gens au shirk, soit d'invoquer les awliya et de les appeler au secours lorsqu'il y a un malheur ou une détresse, ou bien d'aller à leur tombe et de les invoquer, de leur demander des du support et des choses comme ça, ou bien de l'aide, ou bien des biens quelconques dans la dunya, ou une protection contre un mal ou quelque chose comme ça. Donc si quelqu'un t'appelle à ces choses-là au nom de l'islam et qu'il essaie de justifier ça par des versets dans le Coran ou par des hadiths dont tu ne connais pas la signification et dont tu n'es pas certain de l'authenticité ou autre chose, eh bien tu lui réponds avec cette méthode-là, tu lui expliques que le shirk des mouchidikines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'était, hein, c'était justement de faire ça, de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, hein, et de dire que ce sont juste des shufa'a, etc., ou bien des wasa'it, hein, et puis que c'est ça qui en réalité est déclaré comme étant un shirk dans le Coran, et que eux, ces gens-là qui faisaient ça, ils ne disaient pas que ces idoles-là créaient des choses ou bien avaient le contrôle de l'univers. Ils disaient uniquement que ce sont des choses pour les rapprocher à Allah. Et donc, ça c'est clair dans ce sens-là, c'est des versets qui sont clairs, c'est des choses qui sont claires, ça fait partie des muhkamat. Quelqu'un ne peut pas le changer, quelqu'un ne peut pas changer la signification de ça, et quelqu'un ne peut pas le nier. Toutefois, les autres versets et les autres trucs que la personne mentionne, ça c'est des choses qui sont mutashabih, ne sont pas claires, tu ne sais pas leur signification facilement. Donc, dans ce cas-là, tu le réponds de cette façon-là. Tu dis, le Coran, il ne se contredit pas. Et le prophète, sur la scène, il ne contredit pas le Coran. Donc, soit que toi, tu es dans la contradiction, ou bien soit que tu dois admettre que, qu'est-ce qui est dans le Coran, c'est en opposition avec ce que tu fais. Hein? et tu dois cesser de faire qu'est-ce que tu fais et revenir à la vérité. Donc le cheikh il dit maintenant, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans le texte de Kashf al-Shubuhat au sujet maintenant de la deuxième méthode pour répondre aux mushrikin, c'est la méthode détaillée. Ok, il dit أما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا لا يملك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه وضحه. Donc le cheikh il dit maintenant pour répondre maintenant d'une façon détaillée, il dit les gens, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont beaucoup d'opposition et d'arguments pour essayer de contredire la religion des messagers. Alors ils essaient par ces arguments là de bloquer les gens et d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi leurs arguments, hein, c'est qu'ils disent par exemple, nous on ne fait pas le shirk avec Allah, nous on témoigne que rien ne crée, rien ne donne la subsistance, rien ne peut nous profiter ou nous nuire excepté Allah lui seul, et il n'a pas de partenaire, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien par lui-même pour nous nuire ou pour nous faire un bien, encore moins quelqu'un d'autre en dessous de lui comme Abdul Qadir al-Jilani ou d'autres. Mais moi je suis un pécheur, ils vont dire ça, moi je suis un homme, j'ai plein de péchés. Et ceux-là c'est des salihoun, c'est des gens pieux, et ils ont un degré élevé, un niveau très élevé auprès d'Allah, donc je demande d'Allah par eux de me répondre par ce qui a été mentionné. Et donc le cheikh il dit, je demande par eux de que Allah me donne ce que je recherche ou ce que je veux. Et donc le cheikh il dit, alors réponds-leur par ce qu'on a mentionné précédemment, du fait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, il affirmait et il croyait en tout ce que tu as mentionné. Que rien ne peut, personne ne peut donner le risque excepté Allah, personne ne peut créer excepté Allah, personne ne peut nuire ou bien te faire un bienfait excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu eux ils ne croyaient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils disaient oui c'est seulement Allah qui est créateur et qui donne le risque, etc. Et toutefois ils disaient, les mushrikins, ils disaient que yani, leurs idoles, c'est pas eux qui contrôlent quoi que ce soit, mais ce sont seulement des moyens qu'ils prennent comme des intercesseurs qui ont un niveau élevé, soi-disant, auprès d'Allah. Et donc, le cheikh il dit, récite-lui certains des versets dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, dans lequel il parle de ces choses-là, pour lui prouver que ce que tu dis c'est la vérité. Et ensuite il dit, فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم ما من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ويدعون مريم يدعون عيسى بن مريم ويدعون أمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Donc on va expliquer cette partie là. Le cheikh il dit que peut-être que après ils vont mentionner comme Shubha encore, ils vont dire si ils disent par exemple ceux-là au sujet desquels ces versets dont tu parles ont été révélés, ils adoraient des idoles, Asnab. Tandis que nous, on cherche l'intercession des hommes pieux, des salihin. Comment tu peux comparer les idoles à des hommes pieux, hein? Et ils vont dire, est-ce que tu prends les hommes pieux pour des idoles, hein? Est-ce que tu fais des hommes pieux des idoles? Alors le cheikh il dit, réponds-lui par ce que tu as déjà dit, parce que tu as mentionné tout à l'heure à propos de des mushrikines qui témoignent du tawhid al-rububiyya, et tu leur dis que ces mushrikines-là et ces kuffars-là, ils témoignaient de ça, que tout ça, ça appartient à Allah, et qu'ils ne voulaient uniquement l'intercession. Toutefois, le cheikh il dit, il veut donc tu veux donc, et eux, les mouchriquins, qui donnent cette shubha de la distinction entre les idoles et les awliya, et les hommes qui sont pieux, salihun, maintenant tu dois leur expliquer qu'il n'y a pas de distinction réelle entre les idoles et les salihun qu'ils adorent, parce qu'à la base, c'est ça que les mouchriquins adoraient, c'était des hommes pieux aussi, ces idoles-là à la base. Okay? Et donc le cheikh il dit, que tu dois leur mentionner que ces koufars, parmi eux, il y en a qui adorent des idoles, Aslam, et il y en a d'autres aussi parmi eux qui adorent des hommes pieux, des awliya, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, au sujet des mouchriquins, ceux-là, ulaika, allazina yad'oun, ceux que les mouchriquins invoquent, eh ben, ils cherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et ils souhaitent eux aussi se rapprocher, et ils essaient de savoir entre eux lequel d'entre eux est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, si par exemple les chrétiens ils invoquent et ils appellent Isa ibn Maryam, eh bien lui, Isa ibn Maryam lui-même, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il cherche à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc ça veut dire que, yani, qu'est-ce que vous faites, c'est contradictoire et c'est absurde, parce que vous invoquez celui qui lui-même invoque Allah subhanahu wa ta'ala, donc au lieu de l'invoquer, faites comme lui et invoquez Allah vous aussi, hein, et passez pas par un intermédiaire. Et ça c'est le verset 85 dans Surat al-Isra, et ils invoquent également Isa, et ils invoquent Maryam, ils invoquent la mère de Isa, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet-là dans le Coran, dans Surat al-Ma'ida, le verset 85 et 86, hein, que Al-Masih, le Messie Ibn Maryam, le fils de Marie, Isa, il n'était qu'un messager. Et avant lui, il y avait eu d'autres messagers aussi. Et sa mère est une femme véridique. Et tous les deux, ils mangeaient de la nourriture. Yarhamukallah. Donc, Isa et sa mère, Maryam, et bien tous les deux ils mangeaient de la nourriture, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne cet exemple là pour nous montrer que ce sont des malconsonnants, que ce sont des créatures, hein, et qui ont des besoins, qui ont besoin de se nourrir, et toute personne qui mange quelque chose ou qui fait entrer quelque chose dans sa bouche, et bien il faut que ça sorte quelque part, hein, et donc quelqu'un qui a cet attribut là il ne peut pas être un dieu, il ne mérite pas d'être adoré. Donc ça c'est un argument que Allah subhanahu wa ta'ala a montré pour réfuter les chrétiens qui invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, انظر كيف نبين لهم الآيات. Regarde comment on leur clarifie les versets. Et ensuite regarde encore comment ils se détournent. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le même verset, il dit, est-ce que dit au Muhammad à ses mushrikins, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne possède ni le pouvoir de vous nuire, ni le pouvoir de vous profiter en quoi que ce soit? Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est le bien et l'omniscient, c'est-à-dire celui qui entend tout et qui sait tout. Et ça, c'est le verset 75 et 76 dans Surat al-Ma'ida. Okay? Donc ça, c'est des versets que tu peux mentionner qui montrent que les mouchriquins, ils adoraient pas seulement des idoles. Hein, ils adoraient aussi des hommes parmi les salihin. C'était, ça aussi, ça fait partie du shirk. Et il dit, وَذْكُرْ لَهُ قَوْلَهُ تَعَلَى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Donc le cheikh il mentionne un autre verset qui est le verset 40 et 41 dans sourate Saba, et ce verset là il dit quoi? Et le jour où on va les rassembler tous, hein, et on va demander aux anges, est-ce que c'était pas vous que ces gens-là adoraient, hein? Est-ce que c'était pas vous, hein? Est-ce que c'est pas vous que ces gens-là adoraient? Ils s'adressent aux anges. Et là, les anges répondent, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. Ils vont répondre, gloire à toi, yani, toi tu es notre protecteur en dehors d'eux, hein? بل كانوا يعبدون الجن, eux, ils adoraient les djinns, hein, et la plupart d'entre eux, ils croyaient aux djinns. Donc, ils s'adressaient leur prière et leur dua aux djinns. وقوله تعالى, وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Donc maintenant le cheikh il mentionne un autre verset pour prouver aux gens, à ces gens-là parmi les mouchriquins, que même les idolâtres, que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même avant ça, il y avait des mouchriquins qui invoquaient autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce n'était pas nécessairement des idoles, parfois c'était des êtres humains aussi. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 116, qui dit, et lorsque Allah va dire à Isa au jugement dernier, ô toi Isa fils de Marie, est-ce que toi tu as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou deux objets d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Isa il va répondre, et il va dire, louange à toi, ou gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire, hein, et si je l'avais dit, tu l'aurais su, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, et c'est toi qui connais, qui a la connaissance de l'invisible. Donc, le cheikh il dit, فَقُلْ لَهُ, il continue, il dit, فَقُلْ لَهُ أَعْرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الْأَصْنَامِ وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ وَقَتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قَالَ الْكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ الْمُدَبِّرُ وَلَا أُرِيدُ إِلَّا مِنْهُ والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم وأرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء, فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le cheikh il dit, donc demande-lui maintenant au mushrik, après lui avoir mentionné tous ces versets, demande-lui, est-ce que maintenant tu es d'accord et que tu acceptes que Allah a déclaré comme étant kuffar ceux qui ont voulu adorer les idoles, et de même qu'il a déclaré kuffar aussi ceux qui ont voulu adorer les salihin et les invoquer, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les deux, hein. Et là s'il répond, non, les kuffar, eux, ils voulaient, ils s'adressaient à eux directement et ils cherchaient eux, ils les cherchaient directement. Tandis que moi je témoigne que c'est Allah qui fait le bien et qui m'amène du bien et qui peut me nuire ou me faire un bienfait, et c'est lui qui contrôle tout et je ne veux que de lui uniquement. Mais les pieux, les salihun, hein, eux ils ne possèdent rien, hein, ils ne possèdent pas le commandement ou la décision de quoi que ce soit. Toutefois je veux uniquement et je souhaite et j'espère uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala leur intercession. Donc le cheikh il dit, voilà la réponse, il dit maintenant tu réponds à ça et tu leur dis, voilà la parole des mushrikin telle qu'elle est, c'est exactement ça ce qu'ils ont dit, et il lit par exemple pour eux le verset, hein, dans Surat Az-Zumar le verset 3, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés, ils disent, nous ne les avons pas acceptés que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les prend uniquement pour qu'ils, on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et il mentionne un autre verset également, Surat Yunus, le verset 18, وَيَقُولُونَ هَاُنَا شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et le verset au complet c'est, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc ça veut dire, et ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent en dehors d'Allah, ou ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur faire un bien quelconque, et ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ça c'est le verset 18 dans Surat Yunus. Et le cheikh dit ensuite, وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَ الثَّلَاثَةَ هِيَ أَكْبَرُ مَا عِنْدَهُمْ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا فِي كِتَابِهِ وَفَهِمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهَا. Le cheikh dit, sache que ces trois shubuhat qu'on vient de mentionner là, ça c'est les plus grandes shubuhat qu'ils possèdent. C'est les plus importantes parmi leurs shubuhat. Donc si tu as compris comment réfuter ces trois shubuhat, eh bien tout le reste qui suit, eh bien c'est encore plus facile de les réfuter. Et il dit ensuite, فَإِنْ قَالَ أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ وَهَذَا الْإِلْتِجَاهِ إِلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُمْ لَيْسَ بِعِبَادَةِ. Tu vois, maintenant il essaie d'utiliser une autre méthode, le mushrik. Maintenant qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de dire, ok d'accord, mais qu'est-ce que je fais moi, hein, ça s'appelle pas dua, ça s'appelle pas ibada. Je me tourne vers les hommes pieux et je les invoque, hein, mais ça c'est pas une adoration. Okay, il essaie de nier le fait que ça rentre dans l'adoration que d'invoquer un parmi les walis ou les awliya. Hein. Et donc le cheikh il répond et il dit, فَقُلْ لَهُ. Parce que des fois il y en a qui disent ça, ils disent, mais comme quand il y a un malheur ou il y a quelque chose, « Ya Tijani, Ya Abdul Qadir, hein, » c'est vrai, il cherche l'aide. Il dit, « Mais je sais que c'est Allah seul qui peut me profiter ou me faire du mal, ou me nuire ou me profiter. Personne en dehors d'Allah peut me profiter ou me nuire. Et Abdul Qadir al-Jilani, il ne peut pas me profiter, il ne peut pas me nuire. Et Ahmed Tijani, il ne peut pas me profiter ou me nuire. » Sauf que je fais juste prendre un intermédiaire ou j'appelle au secours. Hein. Et ça c'est contradictoire parce que s'il ne peut pas te profiter et il ne peut pas te nuire, mais pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu l'invoques? Hein. Subhanallah. Donc souvent il y a des choses comme ça. Ils pensent que, ils pensent que le fait que tu dis je crois en Allah seul, c'est lui seul qui crée, c'est lui seul qui est protecteur, qui a tout le contrôle sur l'univers. Une fois que tu as dit ça, et tu dis non, Abdul Qadir Jilani et Ahmed Tijan ou bien n'importe quel autre parmi les awliya, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent pas me nuire, ils ne peuvent pas me profiter. Alors, ils pensent que ça les protège du shirk. Mais pourquoi vous les invoquez s'ils n'ont pas de pouvoir, hein? Oui, c'est ça en fait. Est-ce que ce sont les awliya vraiment? Bon, il y en a parmi eux, comme Abdul Qadir al-Jilani, il est reconnu comme étant un parmi les grands ulama, il a fait du bien vraiment. Exactement. Il y a les awliya d'Allah, il y a les awliya du shaytan, et en tout cas, on voit que il est plus proche des awliya shayatin que des awliya d'Allah. Wallahu a'lam. Maintenant, le cheikh il dit, pour continuer ensuite, donc ils veulent nier que c'est une ibadah, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il dit, فَقُلْ لَهُ أَنْتَ تُقِرْ بِأَنَّ اللَّهِ افْتَرَضَ عَلَيْكَ الْإِخْلَاصِ افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. Maintenant tu lui dis, toi est-ce que tu es d'accord que Allah il t'a commandé, il t'a ordonné d'avoir la sincérité dans ton adoration, l'ikhlas, d'avoir la pureté dans ton adoration, que tu dois l'avouer uniquement pour Allah et que ça c'est son droit qu'il a sur toi. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك. Si il dit oui, je suis d'accord que Allah m'a ordonné ça, l'ikhlas, dans l'adoration, alors demande-lui, explique-moi c'est quoi ce que Allah t'a ordonné. Explique-moi c'est quoi cette ibada et cet ikhlas que Allah t'a ordonné. وهو إخلاص العبادة وحده لله وحده وهو حقه عليك. Explique-moi c'est quoi cet ikhlas que tu dois vouer uniquement à Allah et que c'est son droit qu'il a sur toi. Explique-moi c'est quoi cet ikhlas. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. OK. Donc si il ne connaît pas la signification de l'adoration et ses catégories, alors explique-lui. Mentionne-lui par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Invoquez votre Seigneur tadarru'an en vous soumettant à lui et wa khufya yani en secret. Quand vous voyez ça, c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et il vous ordonne de l'invoquer. Donc c'est une adoration. Donc le cheikh il dit فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا فقل له هل علمت هذا عبادة لله. Maintenant si tu lui as dit ça maintenant, demande lui n'est-ce pas que ça c'est une adoration pour Allah, quand quelqu'un va invoquer Allah avec l'ordre qu'il a mentionné dans ce verset là. فلا بد أن يقول نعم. Il dit il faut absolument qu'il réponde oui. والدعاء مخ العبادة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الدعاء مخ العبادة. Ça c'est dans un hadith, toutefois il est daif, mais il y a un autre hadith qui est sahih qui dit وَالدُعَا هُوَ الْعِبَادَة. C'est-à-dire le dua c'est ça, l'adoration c'est la base de l'adoration elle-même. Ok, donc ça c'est une preuve également que le dua ça fait partie de l'adoration. فَقُلْ لَهُ إِذَا أَقْرَزْتَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا خَوْفًا وَطَمْعًا ثُمَّ دَعَوْتَ فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ نبيا أو غيره هل أشرفت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم. Donc maintenant tu lui dis à ce mushrik, si tu es d'accord que c'est une adoration le dua maintenant, puis que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit avec crainte pour son châtiment et avec espoir en sa récompense et en sa miséricorde, puis par la suite tu invoques et que tu appelles dans ce besoin-là que tu as un prophète ou autre. Est-ce que tu es associé avec Allah dans cette adoration autre que lui, autre qu'Allah? Alors il faut absolument qu'il dise oui. فَقُلْ لَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إذا علمت فصل لربك وانحر. Alors réponds-lui par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si tu le connais, tu dis فصل لربك وانحر, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Hein? C'est-à-dire c'est pour lui seul que tu dois prier et c'est pour lui seul que tu dois sacrifier ou égorger. وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ لابد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. donc tu lui dis maintenant, Allah il dit فصل لربك وانحر, prie pour ton Seigneur et c'est pour lui seul aussi que tu dois sacrifier quand tu fais un sacrifice d'un animal ou quelque chose, quand tu égorges. Alors, lorsque tu fais ça pour Allah, est-ce que tu as été obéissant et est-ce que ça c'est une adoration lorsque tu as sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, il faut absolument qu'il dise oui. Alors dis-lui, alors si tu sacrifies pour autre que Allah, comme pour un djinn ou pour un prophète ou pour un saint, hein, ou autre, alors est-ce que tu as associé dans ton adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, par exemple tu as peur d'un djinn, tu dis ah, à tel endroit il y a un djinn et j'ai peur de lui, donc par crainte pour lui j'égorge un animal pour qu'il me laisse en paix, pour pas qu'il me fasse du mal. Ça c'est une forme de shirk. Alors le shirk il dit, est-ce que c'est, tu lui demandes, est-ce que c'est pas un shirk de faire ça? Alors il faut absolument qu'il dise oui. Alors ceux qui vont par exemple à la tombe d'un wali, ils amènent un animal, puis là ils l'égorgent à la tombe du wali pour le remercier d'une faveur ou quelque chose comme ça, qui pensent que ça vient de la faveur du cheikh. Ça c'est shirk billah. Donc il faut absolument qu'ils disent oui. Donc le cheikh il dit وَقُلْ لَهُ أَيْضًا الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنَ هَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالصَّالِحِينَ وَاللَّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم لجاه والشفاعة للجاه والشفاعة وهو ظاهر جدا. Le cheikh il dit, les mushrikoun, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que, les mushrikoun, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel Allah a fait descendre plusieurs versets dans le Coran, ces gens-là, n'est-ce pas qu'ils invoquaient et qu'ils adoraient les anges, et qu'ils adoraient les hommes pieux, et qu'ils adoraient Al-Lat, et Al-Uzza, et d'autres, parmi les idoles? Il faut absolument qu'ils répondent oui. Alors, le cheikh il dit, alors, si c'est ça, dis-lui, alors si c'est ça le cas, hein, est-ce que leur adoration était par autre chose que par le doua, par les sacrifices et par le fait qu'ils se tournaient vers elle, vers ses idoles, hein, et se dirigeaient vers elle, et n'est-ce pas que ils étaient conscients et qu'ils témoignaient qu'ils étaient tous des serviteurs d'Allah et qu'ils étaient tous sous l'emprise et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui avait le contrôle de toutes choses, mais il se tournait vers ses idoles et vers ses hommes pieux dans le but d'avoir une intercession à cause de leur statut et de leur degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ça, c'est une chose qui est très claire et très apparente. Donc le cheikh dit فَإِنْ قَالَ أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَبْرَأُ مِنْهَا فَقُلْ لَا أُنْكِرُهَا وَلَا أَتَبَرَّأُ مِنْهَا بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. Donc le cheikh il dit, si la personne te répond, parce qu'il dit souvent cet argument là les gens de Bid'a et les mushrikin, ils disent ah mais vous croyez pas à la shafa'a du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, hein. Donc tu lui dis, il te dit, est-ce que toi tu nies la shafa'a, l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, hein, et tu te désavoues de cette intercession? Alors tu lui réponds, tu dis non, je ne nie pas cette intercession et je ne m'en désavoue pas. je dis que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va intercéder et c'est à lui que Allah va donner l'intercession et j'espère en son intercession. Toutefois, l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Az-Zumar le verset 44 « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا » dit c'est à Allah que toute l'intercession appartient et c'est à Allah seul que toute l'intercession en entier appartient. Après le chef dit « وَلَا تَكُنْ إِلَّا مِنَ اللَّهِ » وَلَا تَكُنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ » Cette intercession-là, elle ne peut pas être acceptée après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه qui peut intercéder auprès de lui excepté après sa permission. Ok, donc c'est pas comme une intercession quand tu dis un homme qui intercède pour une autre personne dans cette dunya. Toi tu as besoin de l'intercession de quelqu'un pour rentrer quelque part ou pour aller voir quelqu'un d'important, la personne va intercéder sans la permission de la personne, elle va aller lui demander son intercession, mais personne ne peut intercéder auprès d'Allah excepté par sa permission. Ça, c'est dans Ayatul Kursi. Et le cheikh il dit وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Donc il dit وَلَا يَشْفَعْ فِي أَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُوَ لَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Donc il dit maintenant le cheikh que personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas intercéder pour personne, excepté après que Allah aura donné la permission au sujet de l'intercession de cette personne-là. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder pour n'importe qui. Il peut uniquement intercéder pour la personne que Allah a agréée. Et il mentionne le verset 28 dans Sourate Al-Anbiya, et ce verset-là, ça dit, et ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Illa liman irtada. Ok? Et il y a un autre verset aussi qui mentionne ça dans le Coran. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Donc, combien d'anges dans les cieux, leurs intercessions ne pourront te servir en rien excepté après que Allah ait donné sa permission pour celui qu'il a voulu et qu'il a agréé. Donc, c'est tout ça les conditions pour que l'intercession soit acceptée d'une personne. D'accord? Donc, ensuite, il dit, et Allah, il n'accepte pas et il ne va pas agréer personne excepté quelqu'un qui a le tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 85 dans Surat Al-Imran, et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَ كُلُّهَا لِلَّهِ وَلَا تَكُنُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غَيْرِهِ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ وَلَا يَأْذَنُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ وَأَبْطَلَهَا وَأَطْلُبُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ شَفِعْهُ فِيَّ وَأَمْثَالُ هَذَا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه منه فالجواب. Donc on va expliquer ça, après on va continuer. Cheikh il dit, donc on comprend que maintenant si toute la shafa'a, toute l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala en entier et qu'elle ne peut être donnée excepté après sa permission, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas intercéder et ni l'autre en dehors de lui non plus ne pourront jamais intercéder pour personne, excepté par la permission d'Allah, excepté juste que Allah a donné sa permission à son sujet pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède à son sujet, ou au sujet de sa personne, et Allah ne va pas donner la permission pour personne, excepté pour les gens qui ont le tawhid. Donc on peut comprendre, à partir de ces points-là, que toute la shafa'a, toute l'intercession est uniquement à Allah. Et c'est de Allah seul que je la cherche et que je la demande. Je ne la demande pas à personne d'autre. Donc quand je veux demander l'intercession, qu'est-ce que je dis? Je dis, oh Allah, ne me prive pas de son intercession. Ne me prive pas de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais qu'il soit intercesseur pour moi. C'est-à-dire, fais qu'il intercède pour moi. Et des choses de ce genre. Donc je m'adresse à Allah pour demander l'intercession. Et je ne m'adresse pas directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Donc le chef ensuite il dit une autre question, une autre objection de la part de ce mushrik. Il dit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a déjà donné la shafa'a. Donc moi je la demande de lui parce que Allah lui a donné. Fal jawab anna Allah a'tahu ash-shafa'a wa nahaka an hadha. Fa qala ta'ala fala tad'u ma'a Allah ahada. Fa idha kunta tad'u Allah أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. Donc le chef dit premièrement, la réponse c'est que tu lui dis Allah lui a donné la shafa'a et il t'a interdit d'invoquer d'autre que Allah, il t'a interdit d'invoquer autre que lui. Donc et Allah il dit dans le verset 18 dans suratul jinn, et n'invoquer personne avec Allah. Donc, si tu invoques Allah pour qu'il fasse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en ta faveur, alors obéis-le également, hein, lorsqu'il te dit de ne pas invoquer personne avec lui, personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, wa aidan fa inna shafa'a u'tiha a'taha غير النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى il va donner, il va donner l'intercession non seulement au prophète صلى الله عليه وسلم, mais il va donner à d'autres que le prophète صلى الله عليه وسلم. فصح ان الملائكه يشفعون والاولياء يشفعون والافراد يشفعون. Donc il y a d'autres qui vont intercéder, non seulement le prophète محمد صلى الله عليه وسلم, mais les anges vont intercéder également. Al-Afrat, c'est les enfants qui sont nés avant l'âge de la puberté. Wal-Awliya yashfa'un, les saints, ils vont, les gens qui sont rapprochés d'Allah, qui sont mu'minin, ils vont aussi avoir une intercession. Ataqul inna Allah a'tahum shafa'a fa'atlubuha minhum. Est-ce que tu dis aussi à leur sujet, Allah leur a donné l'intercession, je vais leur demander à eux aussi? Ça c'est pas permis. Là tu es tombé dans le shirk. Il dit là il explique, maintenant il faudrait expliquer en détail, mais on n'a pas le temps. Donc on va s'arrêter ici, puis on va expliquer les détails la semaine prochaine, inshallah. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tabarak, inshallah.